Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le chat du bassin. Drôle de formule pour qualifier le parcours criminel de ce violeur en série qui de 1987 à 2002 a semé la terreur dans les rues d'Arcachon et d'Osgore, deux stations balnéaires de la côte atlantique. 36 viols commis pendant la nuit au domicile des victimes, le courant coupé pendant des jours. Tapis dans l'ombre, le prédateur observe les habitudes de ses victimes avant de passer à l'acte. Après avoir abusé de ses proies, il disparaît sans laisser de traces avec une dextérité déconcertante. Le violeur du bassin hérite alors d'un surnom sûrement trop tendre, le chat. Pendant 15 ans, la police le traque, mobilise d'impressionnants effectifs. En vain, le chat espace parfois ses attaques, ne laisse aucun indice et s'en prend à des femmes de 19 à 78 ans qui n'ont aucun point commun. Seule certitude pour la police, sa monstruosité. Car il revient chez celles qui lui ont échappé ou viole une mère, puis sa fille, en une seule nuit. Ce n'est qu'en 2002 que la France découvre, stupéfaite, le visage du chat et sa double vie. Et c'est aussi l'histoire d'une enquête judiciaire unique dans l'histoire de la région. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Desplos, fait diversier pour Sud-Ouest. Il a couvert l'affaire du chat pour ce quotidien régional. Il nous attend dans les studios de France Bleu Gironde, à Bordeaux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova. Coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. « 17 juillet 1987, Arcachon, station balnéaire de la côte atlantique. Son boulevard de la plage, sa ville d'été et ses 200 000 vacanciers qui s'y pressent. En face, au-delà du bassin, la silhouette du Cap Ferret se distingue. Cette nuit-là, le calme d'une petite ruelle bordée de résidences secondaires cossues est interrompu par des bruits de pas qui s'accélèrent sur le trottoir recouvert d'une couche de sable. » Essoufflée, une femme court, pieds nus, tenant fermement dans ses bras sa petite fille de 6 ans. Elle se rabat dans la maison d'un riverain, le visage marqué par la peur. La scène remonte à quelques dizaines de minutes plus tôt. Dominique dort dans son appartement. Une main gantée s'approche alors de son poignet et l'enserre. Tétanisée, elle pense à un cambriolage. L'agresseur lui demande en chuchotant si elle a de la drogue, puis il se met à fouiller l'appartement. Il revient, il la ligote, il la viole. Son enfant dort à 50 cm d'elle, écrasé par la fatigue d'une journée à la plage. Sa crainte viscérale, qu'il se réveille et assiste à l'horreur. Instinct de survie, la femme murmure à son bourreau que sa carte de crédit se trouve à l'autre bout de l'appartement. Alors que l'homme s'éloigne, elle parvient à détacher les cordelettes qui entravent ses poignets. Il a coupé le courant, le téléphone fixe ne fonctionne plus. En dessous de la fenêtre de sa chambre, elle sait qu'un buisson touffu longe le mur. Alors, elle jette sa fille assoupie et la rejoint en sautant pour finalement trouver refuge chez les voisins. Trois jours plus tard, la police d'Arcachon interpelle un SDF qui a déjà été arrêté pour des problèmes de stupéfiants. Derrière la vitre teintée du commissariat, la vacancière ne le reconnaît pas. L'homme qui l'a violé a agi dans le noir, donc l'affaire est close. Oui, faute de preuves, le suspect est relâché. En mars 1988, un an plus tard, l'horreur déferle une deuxième fois dans les rues de la station balnéaire. Et selon le même scénario. En pleine nuit, un homme s'introduit chez une femme seule. Il prétend qu'il sort de prison, lui ligote les mains avec une cordelette, la viole. Et s'en va, après avoir pris 70 francs dans le sac à main de sa victime. En novembre 1988, même mode opératoire chez une autre victime. Cette fois, dans le quartier du Moulot, où les villas se font plus chic. Là aussi, une femme au mari absent fait les frais du violeur rôdeur. Là aussi, l'électricité est coupée. Les policiers relèvent des traces d'ADN. Mais à l'époque, il n'existe pas de fichier national des empreintes génétiques. Impossible de comparer, donc. Puis en 1991, toujours à Arcachon, un autre viol, dans les mêmes circonstances, est signalé. La police ne fait pas le lien entre les quatre crimes. Sûrement pas le même prédateur, tant les faits sont espacés de façon aléatoire. Et puis, le calme revient dans la petite ville de vacances. Le ou les agresseurs semblent avoir quitté la ville. Mais en 1994, 4 viols se produisent en 6 mois seulement, et dans le même secteur. La police judiciaire de Bordeaux est saisie du dossier, mais là encore, on ne note aucune similitude chez les victimes. Les 8 femmes ont entre 30 et 54 ans, elles ne se connaissent pas. Leur seul point commun, elles étaient seules au moment des faits, célibataires ou conjoints absents. Ce qui coïncide, c'est donc le mode opératoire. Sur ces 7 viols ou tentatives, l'agresseur qui dissimule son visage a pris soin de couper le courant et de se diriger instinctivement vers le disjoncteur. Un boîtier pourtant pas facile à trouver quand on ne connaît pas la maison. En 2002, un policier se souvient de l'enquête au 13h de France 2. Une enquête difficile parce que la personne en question a agi toujours de manière très organisée, laissant toujours peu d'indices. Nous n'avions pas et nous n'avons jamais eu, par exemple, une description précise, une couleur de cheveux, quelque chose. Il agissait régulièrement dans le noir, etc. La police est au pied du mur. Selon les témoignages des victimes, il pourrait s'agir d'un homme athlétique d'une quarantaine d'années. Les femmes agressées décrivent une forte odeur de transpiration, des mains calleuses. Vu l'expertise de l'agresseur, côté électricité, la brigade criminelle de Bordeaux lance des surveillances auprès d'intervenants d'entreprises publiques ou d'artisans du secteur. Se pose également la question de la récurrence de ces passages. Les enquêteurs comparent les échantillons d'ADN, quadrillent les rues d'Arcachon, multiplient les caméras de vidéosurveillance et puis plus rien. L'enquête piétine et le violeur se volatilise encore et toujours. Jusqu'à cet été 1996, la station balnéaire redevient le cœur battant de la saison estivale sur la côte atlantique. À une dizaine de minutes en voiture du centre-ville d'Arcachon, sur la plage du Pilat-sur-Mer, les parasols fleurissent. Mais le 5 juillet, en pleine nuit, une nouvelle victime est ligotée, puis violée, alors que ses deux enfants dorment au rez-de-chaussée. Le 22 août, le prédateur s'acharne sur une deuxième femme, puis le 5 septembre, sur une autre. Il agit vite et déguerpit, comme d'habitude, si l'on peut dire. 13 septembre 1996, retour au Moulot, quartier huppé d'Arcachon. Marie-Christine vit seule avec son fils de 3 ans dans un appartement rez-de-jardin. Le prédateur entre chez elle. Sa rencontre avec le violeur en série du bassin, elle la raconte 6 ans plus tard, en 2002. Tout d'un coup, je sens des tapotements sur moi. Et là, je me réveille en sursaut et je me dis, il y a quelqu'un. En hurlant, et puis c'est là que je vois une ombre partir, je lui cours après, et c'était quelqu'un avec une agilité vraiment extrême, parce que j'avais une table, une petite fauteuil, rien. Il est parti illico presto en courant, je n'ai vu que sa silhouette avec une luminosité extérieure, donc je n'ai rien vu. Le cri animal qui lui a échappé a fait fuir le violeur. Dans le noir total, l'homme est parti en ne frôlant aucun meuble, avec une agilité déconcertante, digne d'un félin. Même la corbeille de fruits qui ne cesse de tomber de cette table basse n'a pas bougé d'un iota. Le prédateur du bassin devient le chat. Alors que le nombre de victimes gonfle sur la côte, silence radio dans les médias. Les enquêteurs ne souhaitent pas que les journalistes s'en mêlent. D'abord, pour que le violeur en série ne sache pas que son mode opératoire est analysé, et puis, et surtout, pour qu'il n'inspire pas d'autres détraqués. Mais il y a une justification beaucoup moins reluisante, moins assumée, qui explique ce mutisme médiatique. C'est celle défendue par la municipalité d'Arcachon. Devenir la ville du viol serait mauvais pour les business du tourisme. Une telle publicité ferait fuir les vacanciers bourgeois, vous comprenez. Cette omerta, l'une des 13 victimes du chat, ne l'accepte pas. Et contacte la presse avec son avocat. Elle veut parler, prévenir les potentielles victimes. Le 21 juin 1998, le quotidien régional Sud-Ouest publie son premier article sur le chat, également surnommé l'homme araignée. Un journaliste a été invité chez une victime pour rencontrer trois femmes agressées ou violées par le prédateur. Sous le titre « Le violeur agit la nuit », la parole se libère. Je n'oublierai jamais. Je suis marquée pour toujours. J'ai toujours peur qu'il revienne. La nuit, le moindre bruit me réveille et m'angoisse. C'est insupportable. Il terrorise les personnes qu'il rencontre. Je suis convaincue que d'autres femmes ont subi le même sort, mais qu'elles sont si choquées qu'elles n'osent même pas en parler autour d'elles. Ou alors, s'il n'a pas atteint son but, elles ont cru à un simple cambrioleur. Il faut que ces femmes se fassent absolument connaître. Elles sont peut-être capables d'apporter le détail déterminant pour la suite de l'enquête. L'article bouscule le quotidien des habitants de la commune. Après tout, le violeur pourrait être un voisin, un employé de la ville, un arcachonnais. Alors, un vent de paranoïa se mêle à la brise marine. Le 17, numéro d'urgence pour contacter la police, est préenregistré sur les téléphones portables. Une riveraine fait monter ses fils de téléphone fixe pour que le criminel ne puisse pas les couper. Mais le chat a pris la poudre d'escampette, et ce, pour un an et demi. C'est donc en avril 1999 qu'il fait son retour chez Marie-Christine, la jeune femme qu'il avait fait décamper par ses cris 3 ans plus tôt. Le monstre veut prendre sa revanche, mais c'est sur la nouvelle locataire de cet appartement qu'il se jette. Une 14e vie brisée. À Bordeaux, l'enquête piétine. Alors la PJ fait appel à Pierre Leclerc, profiler. Tout droit venu de Scotland Yard et du FBI, le profilage prend timidement ses marques dans le milieu judiciaire français. En 99, Leclerc est le seul spécialiste au sein de la police de ce pays. Objectif du psychologue, définir, d'après la scène de crime, l'identité psychologique de l'agresseur pour aider la police à viser juste. Barbe blanche mal rasée, pipe à la bouche et vocabulaire de vie briscard qui en avait d'autres, il parvient à en tirer un profil qu'il détaille dans son rapport. Sa profession lui laisse une grande part d'organisation personnelle, lui permettant d'organiser avec méticulosité les opérations de repérage et d'observation qui lui sont indispensables pour mener à bien ses actions. Je pense que l'essentiel de sa motivation est dans le sentiment de pouvoir dominer les choses, le temps et les gens, beaucoup plus que dans la maigre satisfaction sexuelle et remaille qu'il retire de ses agressions. Au domicile des victimes, les policiers retrouvent des cales pour empêcher la fermeture de certaines baies vitrées et des trous à hauteur d'yeux dans les volets battants. Selon le profiler, le plaisir ultime du chat serait donc de scruter ses proies avant de passer à l'acte. Il ferait tout pour mentaliser l'espace avant d'enserrer ses victimes de ses griffes et s'en aller. Au-dessus du lit, de l'une d'entre elles, un mobile composé de clochettes, impossible à esquiver. Mais ces grelots ne teinteront pas pour la prévenir. Implacable dextérité de violeur. À Bordeaux, les enquêteurs se voient confier un dossier de la gendarmerie nationale à un viol survenu en 1998 à Osgore, autre station balnéaire à 130 km d'Arcachon. Et là, pas de doute, ce fait isolé serait aussi signé le chat. À Dax, dont dépend Osgore, Jean-Philippe Chiradam, landais, vient d'être nommé à la brigade des recherches. Il a une intuition. Ce viol commis en 98 au domicile de la victime l'interroge lui aussi. Alors il se met à fouiller dans les armoires des affaires classées. Il exhume 4 affaires de viol ou tentatives survenues entre 95 et 98 dans la région des Landes. Toutes identiques. Les faits se déroulent entre 5 et 6 heures du matin. L'électricité a été coupée. Les victimes sont des femmes isolées dans des maisons dotées de baies vitrées permettant d'observer depuis l'extérieur. Un violeur sévit dans les Landes, une seconde enquête est ouverte. Contact est pris avec la police judiciaire de Bordeaux. Jean-Philippe Chiradam a tapé dans le mille. Le sperme retrouvé sur le pantalon d'une victime à Osgore, 10 mois plus tôt, a la même identité génétique que l'ADN retrouvé dans des résidences où se sont produits les viols d'Arcachon. La zone de chasse du chat s'élargit de façon vertigineuse et le rythme de ces viols s'accélère. 2 décembre 2000, au Moulot. Alors qu'une jeune femme de 21 ans dort seule dans sa maison de vacances, le chat grimpe sur un pylône. Il coupe l'électricité, puis brise un carreau et ouvre la porte d'entrée. La victime hurle, l'agresseur se sauve avec adresse. 2 mois plus tard, en mars 2001, 2 femmes sont agressées la même nuit. La police compte 17 victimes à Arcachon, 10 à Osgore, mais les enquêtes restent séparées, menées par 2 juges d'instruction différents. Dans la nuit du 23 au 24 juin 2001, sur la côte landaise, c'est une mère et sa fille qui sont violées dans la même maison, à quelques heures d'intervalle. La voisine d'en face a été agressée par le chat, 5 ans plus tôt. À Arcachon, les victimes dénoncent une inertie policière. Alors elles fondent une association pour mieux se défendre. La mère des victimes en prend la direction. En 2001, elle décrypte la difficulté de s'organiser et de se faire entendre. C'était pas facile. Arcachon est un lieu de villégiature. Les victimes viennent là pour l'été. Il y en a très peu qui sont résidentes à plein temps. Donc il fallait vraiment avoir des contacts. Et puis en fait, les victimes n'ont pas les coordonnées des autres victimes. C'est très cloisonné au niveau de l'enquête et on n'a pas accès au dossier. Il y a le secret de l'instruction, donc c'est très difficile. Quand on vit sur place, on apprend qu'une agression a été commise. On essaie de rencontrer la personne, mais c'est très difficile. Pour autant, la police ne chôme pas et crée en 2001 la cellule Viol 40. 10 agents sont mobilisés pour ne se consacrer qu'à la traque du violeur en série. Les gendarmes de la section de recherche de Pau et les compagnies de Dax et de Mont-de-Marsan échangent leurs renseignements avec ceux de la PJ bordelaise. Des centaines de témoignages sont ainsi récoltés, analysés. Des agents se cachent même dans du mobilier urbain, comme des poubelles, pour surprendre le chat pendant sa chasse. L'épouse d'un gendarme sert d'appât dans un appartement, seule pendant plusieurs semaines. Mais malgré cette mobilisation policière, c'est l'escalade. 3 agressions surviennent en moins de 6 semaines. En octobre 2001, une nouvelle victime s'ajoute à la liste. Elle a 78 ans. Puis une autre, à Biarritz. Le territoire du violeur, 7 ans. La tranche d'âge visée également. Fabrice Drouel. En janvier 2002, dans la forêt landaise, un homme vient de garer sa voiture sur le parking de la gendarmerie de Seignos, qui jouxte Osgore. Cet homme vient porter plainte. La porte de sa maison de vacances était fracturée, mais rien n'a été volé. Si ce n'est une photo de sa sœur, Laure, retirée d'un cadre. Une sœur qui, il y a 20 ans, en 1982, avait été victime d'agressions sexuelles. Après l'avoir poussée dans sa propre voiture, un homme cagoulé lui avait attaché les mains dans le dos et l'avait emmenée dans la forêt. À force de négociations courageuses, elle était parvenue à se libérer. Interpellé, l'homme âgé de 24 ans à l'époque avait reconnu d'autres agressions. Il avait été jugé pour attentat à la pudeur et incarcéré quelques mois. Deux psychiatres ont préconisé un suivi psychiatrique et psychologique. Le nom de cet homme, Roland Cazot. En 2002, la police tente de comprendre. Et si le vol du portrait de Laure, piètre larcin pour une si grande villa, menait à l'agresseur de 1982? Le prédateur fétichiste souhaitait peut-être retrouver la trace de sa victime. Sud-Ouest publie alors un article sur la série de viols, doublé d'un appel à témoins qui fait réagir illico un riverain d'Osgore. Ce retraité avait appelé la police 8 mois plus tôt pour signaler la présence d'une fourgonnette blanche roulant en ralenti dans sa rue. Il en est persuadé, son conducteur est bien l'homme décrit par le quotidien régional. Grâce au numéro de plaque d'immatriculation et après avoir appelé l'entreprise à qui appartient l'utilitaire, le nom de Roland Cazot réapparaît une nouvelle fois. Ces Landais, âgés de 43 ans, habitent à Saint-Jours-de-Maremme, petite commune à 150 km au sud d'Arcachon. Contremaître au sein de l'entreprise des chantiers d'Aquitaine, son emploi du temps colle parfaitement avec les viols commis à Osgore et Arcachon. Le 20 février 2002, à 6h du matin, la police se rend dans sa maison où il vit avec son épouse et ses deux petites filles. Après avoir recueilli son ADN, cet homme à la chevelure frisée, yeux bleus et allure de surfeur Jean-Rigor d'Osgore, est placé en garde à vue pendant 10 heures. Mais ce bon père de famille nie tout en bloc. Après quelques heures de garde à vue, ce père de famille a avoué 16 agressions sexuelles ou viols commis sur des jeunes filles dans la région d'Osgore. 7 ans que les gendarmes le recherchaient. Porte à porte, filature, organigramme des victimes, rien n'était laissé au hasard. À 16h, les résultats du labo tombent. Roland Cazot s'effondre et reconnaît les faits. 36 viols survenus en 15 ans, c'est lui. Il se souvient de chacune des victimes, de l'adresse, de tout. Une heure plus tard, la police perquisitionne son domicile. Son épouse découvre l'horreur, la part diabolique d'un homme avec qui elle était mariée depuis 6 ans. Elle ne savait rien. La police n'a que quelques secondes pour lui expliquer. Des cordes, un stock de clés, des passes électroniques sont découverts. Le chat a un nom et une gueule d'ange. Il s'appelle donc Roland Cazot. Côté face, cet excellent père de famille de 43 ans est aimé de tous. Ses amis décrivent un athlète au regard ravageur qui plaît aux femmes et qui s'engage dans des causes nobles, comme des rallyes pour les personnes en situation de handicap. Le lendemain de sa première agression, en juillet 1987, Roland Cazot fête ses 29 ans, entouré de sa famille et de nombreux amis. L'espacement des viols correspond au haut et au bas de sa vie personnelle. La pause de 3 ans, par exemple, entre 1991 et 1994, eh bien, il vient de rencontrer sa femme. Il est amoureux. Le gendarme de Dax, Jean Chiradam, n'en revient pas. Cazot et lui avaient plein de copains en commun dans la région. Il m'a oublié, moi. Il a pas parlé de toutes celles qui ont été agressées, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses actes. Moi, je n'ai pas été violée. Mais trois fois, il est venu, donc... Ça veut dire qu'il serait venu une quatrième fois, mais nous avons déménagé, nous avons quitté la région. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'il a oublié dans ses demandes de pardon toutes celles qu'il a pu agresser d'une façon ou d'une autre. Et si j'ose témoigner devant ces caméras, je veux parler au nom de toutes ces femmes qui souffrent et qui sont peut-être derrière leur poste de télévision. Le 28 novembre 2005, aux assises de Bordeaux, vêtu d'un blouson beige, la tête baissée, Roland Cazot joue le jeu sous les crépitements des photographes. La France découvre le visage du chat. Ces victimes peuvent enfin apercevoir les traits d'un bourreau qu'elles n'ont jamais vu. La salle où siègent habituellement les assises dans ce palais de justice est fermée pour travaux. Les 3 semaines d'audience se dérouleront donc dans une autre pièce au mobilier vieillot. Au-dessus de l'accusé, un crucifix. Sur les bancs, des dizaines de femmes avec chacune leur avocate. Éclatante sororité, elles se tiennent les mains, se prennent dans les bras. Tout ont appris à cohabiter avec un choc post-traumatique ineffaçable. Certaines n'ont pas pu venir, trop brisées. L'une d'entre elles a transmis une lettre au président qu'il lit pendant le procès. « Je n'ai pas envie de le connaître. Les traces de cette épreuve en moi ne disparaîtront jamais. » Solidarité féminine également envers une autre femme présente dans la salle. Elle n'a pas pu se constituer partie civile. C'est Nathalie, l'ex-épouse de Roland Cazot. Elle passe à la barre. Cette kinésithérapeute a divorcé, quitté la France. Mais partir n'efface pas sa douleur. Devant la cour et son ex-époux, elle raconte sa vie de couple avec cet homme avec qui elle a vécu une vraie histoire d'amour. Elle confie sa culpabilité, regrette ce qu'elle n'a pas su voir, ce qu'elle n'a pas fait. Elle croyait à ses déplacements professionnels, à ses chantiers qui démarraient tôt le matin. Avant de quitter la barre, elle se retourne vers Cazot et lui lance « Tu as détruit ma vie ». Et Cazot se met à table. « J'avais une double vie. Tout se remettait en place la journée et la nuit, ça repartait », sanglote-t-il, s'essuyant du revers de sa manche. Au fil des jours du procès, il dévoile son mode opératoire. Le viol ne serait que l'aboutissement d'un long processus. Il passait des nuits entières à épier, parfois caché dans la salle de bain le jour. Dans sa camionnette, il observait ses proies bronzées dans leur jardin ou vidait les courses du coffre de leur voiture. Excité par le challenge, plus le logement de sa cible était difficile d'accès, plus il prenait de plaisir. Au bout de 15 jours d'audience, les experts psychiatres sont appelés à la barre. Ils sont 2 à analyser le profil psychologique du chat. Alors voyeurisme, ça veut tout simplement dire, quand il est très jeune, le fait d'érotiser la vue de femmes partiellement nues ou nues dans un contexte sexuel, et qu'il va approcher et puis plus tard agresser par rapport à ça. Et puis il va développer aussi l'érotisation du fait d'imaginer qu'il va maîtriser ses femmes contre leur gré du point de vue sexuel. En l'état actuel des choses, est-ce qu'il est encore dangereux? J'ai dit qu'il est impossible actuellement de constater, parce que ça ne serait pas le cas, que les éléments de perturbation grave qu'il a ont disparu. Si certains de ces éléments persistent, les effets possibles de ces éléments persistent. Le passé de Cazot se dévoile. À 12 ans, il s'introduit dans une maison et se masturbe dans des soutiens-gorges. Interpellé par les gendarmes, il est présenté à un juge pour enfants. Personne n'avait imaginé que l'adolescent voyeur deviendrait violeur. Au même âge, il fabriquait déjà des clés pour entrer par effraction chez des voisines, les mêmes qu'il utilisera quand on l'appellera le chat. Des années malheureuses sous le joug d'une mère sadique, Paulette Cazot, assise dans la salle. Une mère qui le bat au martinet jusqu'à ne plus pouvoir avoir de force pour le faire. Plus récemment, dans le jardin de la famille de son fils, la marâtre castre le chien de ses petits-enfants parce qu'il est trop bruyant. Petite femme sèche au trait creusé par les années, Paulette Cazot, déconnectée, ne comprend pas ce que son fils lui reproche. Le journaliste de France 3, Jean-Pierre Stahl, parvient à interroger dans le brouhaha des couloirs du palais de justice celle décrite comme folle coche dans un livre de Bazin, Vipère au point. Il a dit qu'il a souffert d'un amour que vous lui avez pas donné. Eh ben oui, sans doute. Pourquoi il me l'a pas parlé? C'est drôle ça, oui. Je ne me rendais pas compte que sûr. Vous aviez trop de travail vous-même? Oui, on avait beaucoup de travail, c'est sûr. Tiens, je pensais qu'à ça au travail et mes pauvres petits. Pourtant, je ne l'ai pas délaissé, oh, mais non. Je m'occupais de lui, il ne manquait de rien. S'il a bien reconnu les 36 viols, Cazot ne risque que 15 ans de prison à cause d'un vide juridique. En effet, en 2005, le caractère sériel des viols ne représente pas une circonstance aggravante. Le chat est jugé à Bordeaux pour viol simple. Aux yeux de la loi, les attentats à la pudeur des années 80 ne font pas office non plus de circonstances aggravantes. 15 ans, c'est la peine maximale pour viol. Mais là, en l'occurrence, c'est 15 ans pour 36 victimes, soit 5 mois de prison par viol. Le 16 décembre 2005, après 8 heures de délibéré, 3 semaines d'un procès éprouvant et 30 auditions de victimes, Roland Cazot, 47 ans, est condamné par la cour d'assises de la Gironde à 14 ans de réclusion criminelle, dont 10 ans incompressibles. Incarcéré depuis 2 ans, il sera donc libérable en 2012. Son avocat, Maître Guittard, approuve. Ses victimes sont sous le choc. Que Roland Cazot soit condamné à 15 années de réclusion ou qu'il soit condamné à 540 années de réclusion, ça ne changera pas le préjudice qui a été subi par les victimes, ça ne changera pas le trouble et ça ne changera pas la guérison qui pourrait être celle de Roland Cazot. Pour vous, il y a un vide juridique ? Ah, complètement. Complètement. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est même pas possible que la justice ne s'en rende pas compte. Ils doivent se dire, on est en train de faire une bêtise. J'aurais un cas de conscience, je me dis, mais je peux pas condamner une personne comme si elle avait fait juste 2 forfaits alors qu'elle en a fait 36 connus. En février 2012, Roland Cazot sort de prison en liberté conditionnelle. Jusqu'en 2027, il sera soumis à une mesure de suivi socio-judiciaire. Il lui est interdit d'entrer en relation avec ses victimes, de séjourner pendant 10 ans en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Son avocat confiera qu'après 15 ans de traque, le chat en a eu assez de jouer à la souris avec les enquêteurs, comme soulagé d'être enfin interpellé. You tell me it gets better in time. You say I'll pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up and move. Oh, Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le chat du bassin dont nous allons parler avec Jean-Michel Desplot. Bonjour. Bonjour Fabrice Noël. Vous êtes journaliste, police, justice et fait divers pour le journal Sud-Ouest à Bordeaux et vous avez couvert l'affaire du chat pour ce même quotidien régional, l'un des grands quotidiens régionaux de France, faut-il le préciser. Une affaire sordide qui a marqué l'histoire judiciaire de la région. Alors d'abord, comment personnellement avez-vous vécu la couverture d'un tel fait divers ? Fabrice, ce fait divers est assez exceptionnel et unique dans la région, dans l'histoire judiciaire en tout cas. D'une part parce que il y a un très grand nombre de viols et de tentatives, 36 viols au total et tentatives entre 1987 et 2002, entre la Gironde et les Landes. Et c'était effectivement un fait divers qui ne laisse pas indifférent dans une carrière de journaliste parce que on voit très rarement un tel nombre de viols et de tentatives commis par un seul homme. C'est clair. Oui, alors ce qui a marqué les investigations menées par les journalistes de Sud-Ouest, parce que je n'ai pas été le seul à travailler sur cette enquête. Il y avait également Jean-Paul Vigneault, mon excellent confrère qui a travaillé sur l'enquête. Et ce qui nous a marqué, c'est la traque effrénée à la fois des services de police judiciaire, puis plus tard de la gendarmerie, et qui n'arrivait pas à resserrer l'étau sur le violeur présumé. Et mais ce qui choque tout de même, c'est ce silence médiatique imposé par la police. Au début, on peut le comprendre, hein, mais ce silence était aussi imposé par la ville d'Arcachon. Et ça ressemble quand même à une omerta qui pesait sur les victimes. Et une atteinte à la liberté d'informer également. Comment vous l'avez vécu ça? Alors, vous savez, Fabrice, comme on dit dans le jargon de la presse, nous sommes des faits diversiers. Mm-hmm. Et parfois, il arrive que l'on doive composé entre guillemets avec les services enquêteurs, parce que nous avions des remontées de bribes d'infos qui nous arrivaient de ci de là par les services de police judiciaire. Nous avions également des informations qui arrivaient par notre réseau de correspondants, car vous le savez, dans la presse quotidienne régionale, nous avons une sorte de maillage du territoire qui fait que dans chaque canton, chaque commune, nous avons un correspondant local qui lui est au plus près de la population et qui est à même de nous faire remonter des infos. Donc nous disposions d'informations, mais effectivement nous n'avons pas pu les exploiter, en tout cas dans un premier temps, aussi librement que nous l'aurions voulu. Et puis, comme vous l'indiquiez dans votre résumé qui était vraiment parfait, Fabrice, merci. La ville d'Arcachon, qui est mais aujourd'hui, c'est the place to be, hein, comme on dit, ne souhaitait pas devenir la ville du viol. Et effectivement, si nous... Pardon, parce que que les journalistes composent parfois avec la police, parce que les journalistes sont, comme la police, on a envie de trouver le coupable de crime, de viol. Oui. Je veux bien le comprendre. Mais alors, pour l'image d'une ville, c'est plus difficile à comprendre tout de même. Oui, alors, nous l'avons appris bien plus tard que la ville d'Arcachon faisait pression sur les services d'enquêteurs. Ah, d'accord. Nous l'avons appris bien plus tard. Nous ne le savions pas, en temps réel, quoi. Voilà, nous avons appris par les services enquêteurs, qu'effectivement, la ville d'Arcachon mettait la pression aux services enquêteurs pour ne pas éventer l'affaire. Alors, vous parliez de la presse régionale et de ses correspondants. C'est vrai que la presse régionale est forte parce que c'est une presse de proximité, et c'est normal. Est-ce qu'elle joue un rôle fréquent dans la résolution de faits divers ? On reviendra à notre affaire tout à l'heure, hein, mais je fais un détour par une généralité. Oui, alors il arrive de temps en temps effectivement que la presse quotidienne régionale, de par effectivement la proximité avec la population et ses lecteurs, puisse permettre à une enquête d'évoluer de par la révélation des faits, parce qu'on le sait, les services enquêteurs aujourd'hui, enfin comme à l'époque d'ailleurs, notamment mettent en place des écoutes téléphoniques, et à la lecture d'un article, une personne qui est susceptible d'être mise en cause peut-être se laisser aller à des commentaires sur des écoutes, ce qui éventuellement permettra de faire avancer les investigations des enquêteurs. Alors, pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui régnait chez les habitants et surtout chez les habitantes d'Osgore ou d'Arcachon pendant la traque? Alors, j'imagine que tout le monde ne réagissait pas de la même façon. Il y avait des gens qui avaient plus ou moins peur. Comment ça se manifestait? Oui, alors effectivement, c'est Arcachon, Osgore, les gens, c'était une véritable, je vais pas dire qu'il régnait une terreur, mais malgré tout, les femmes n'osaient plus sortir la nuit seules, personne n'osait s'aventurer, et il y avait vraiment une crainte de cet homme, du chat, dont on ne savait pas encore. Qui il était, hein, comment il est. Enfin, on savait qu'il agissait de manière assez intruse. Il rentrait, il débranchait le compteur électrique. Mais il y avait vraiment une psychose, une peur de ce violeur. Alors, quelle était la réaction, l'arrestation et la découverte du profil de ce chat, finalement, qui s'appelle Roland Cazot? Oui, alors les habitants, enfin, sont tombés des nues. Hein, ce fut la stupéfaction, parce que comme vous l'avez indiqué, le chat, Monsieur Roland Cazot, c'est Monsieur Tout le Monde. Hein, bah oui. Vous l'avez résumé, look de surfeur, regard bleu, plutôt beau gosse, hein, mais qui menait une double vie. Il était contremaître, chef de chantier le jour et la nuit, il violait ses victimes ou en tout cas il les agressait. Une petite. C'est vrai qu'on, oui. Pardon. Oui, je vous en prie, vas-y. Pardon, Fabrice. Mmh. Oui, effectivement, on se dit toujours qu'un violeur, vous voyez, c'est un monstre, mais le profil de Roland Cazot, c'est, enfin, en tout cas, physiquement, on n'a pas affaire à nous, devant nous, à un monstre. Hein. Alors, une petite précision, mais c'est important. J'ai parlé d'un village, Saint-Jour-de-Marraine. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Parce absolument, Saint-Jour-de-Marraine, dans les Landes. D'accord, c'est bien. C'est important de prononcer les noms des localités. Parce que pour les gens qui évitent d'entendre ça, ça leur fait pas plaisir si on écorche le nom. Oui. Et c'est normal. Ouais. On va se retrouver dans 3 minutes. Don't be cautious, don't be kind. You committed, I'm your crime. Push my button. Anytime you got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame. Dirty water, poison rain. Perfect murder, take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. Why the your tone, you better love me, 'cause you're just a clown. Billie Eilish sur France Inter. Copycat, je reviens avec vous Jean-Michel Desplot. Alors, dans cette affaire, des victimes ont dénoncé la lenteur de la police. Mais dans ces affaires, d'ailleurs, les victimes dénoncent toujours la lenteur de la police, parfois à juste titre, parfois non. Mais là, c'est vrai que quand on voit que deux juges d'instruction travaillaient en parallèle sur le même homme ou que la police arrivait parfois sur le lieu du crime plusieurs jours après les faits, on peut s'interroger, sans aller au-delà de s'interroger, mais on peut le faire quand même. Quel regard portez-vous sur l'enquête 30 ans après? Bah, Fabrice, je dirais que 30 ans après, enfin, je pense que quelles que soient les victimes et quelle que soit l'affaire traitée, et pour les victimes, une enquête n'avance jamais assez vite. Mais oui. Une enquête n'avance jamais assez vite parce que on est au cœur, on est soi-même, donc on est la victime et on voudrait que l'auteur soit interpellé très vite. Donc 30 ans après, on peut se dire qu'effectivement il y a peut-être eu des loupés entre les relations avec la police judiciaire de Bordeaux et puis les services de gendarmerie des Landes et la section de recherche de Pau. Mais il ne faut pas oublier que nous étions à la fin des années 80 et à cette époque-là, les avancées en matière de police technique et scientifique ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je ne crois pas que la police soit arrivée plusieurs jours après la commission de certains faits, comme vous l'indiquiez, car toutes les victimes, enfin de mémoire, hein, toutes les victimes ont été prises au sérieux, à telle enseigne que on a même retrouvé, et je crois que vous n'en avez pas parlé dans votre récit, en revanche, cette victime qui était dans la banlieue de Toulouse à Ramonville et qui s'est jointe à la cohorte des victimes qui ont témoigné, qui se sont constituées partie civile au procès. Et pourquoi vous l'évoquez? J'évoque cette personne parce que cette personne qui est dans la banlieue de Toulouse à Ramonville-Saint-Agne avait été oubliée entre guillemets par les enquêteurs, et c'est à la lecture des journaux et devant le poste de télévision, les journaux télévisés, qu'elle s'est dit mais ça correspond tout à fait à ce que j'ai vécu, et effectivement les traces d'ADN qui avaient été relevées sur ses vêtements correspondaient à l'ADN de Roland Cazot. Mais pourquoi la police n'a pas fait le lien entre les attentats à la pudeur de Cazot en 1980 et la trentaine de viols survenus dans la région arcachonnaise? Oui, mais à l'époque, il n'existait pas, vous le savez, les fichiers, l'empreinte génétique. Oui, absolument. Donc, il était un petit peu, il était beaucoup plus difficile et par conséquent beaucoup plus long pour arriver à désigner l'auteur présumé. Hein. Les taux se resserraient beaucoup plus lentement, j'allais dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, les travaux des laboratoires, qu'ils soient privés ou bien des laboratoires de police ou de gendarmerie, allez, CGN à Rosny-sous-Bois, on arrive aujourd'hui très rapidement à, avec la moindre microcellule laissée sur un lieu de crime, on arrive à retrouver l'auteur des faits. Et peut-être, on va pas faire du chrony, mais peut-être que si ces techniques avaient existé, il n'y aurait pas eu 36 viols. Quoi. En tout cas, oui, absolument. Alors, autre chose, il n'y a pas de circonstances aggravantes concernant les viols de Cazot, mais après son procès, la même année, la récidive devient une circonstance aggravante. Est-ce qu'on peut dire que le cas de ce cas Cazot a fait jurisprudence? La réforme de la loi était dans les tuyaux, hein. C'est effectivement, elle est intervenue peu de temps après. Aujourd'hui, Roland Cazot encourrait 20 ans de réclusion criminelle. Il a été condamné à 14 ans avec 10 ans de incompressible. Hein. Ouais. Effectivement, est-ce que les jurés, le jury de la cour d'assises de la Gironde aurait été jusqu'à la peine maximale? Bon, on peut s'interroger, mais en tout cas, effectivement, de l'avis des parties civiles à l'énoncé du verdict, il aurait manifestement mérité la peine maximale. On va écouter la réaction des avocates de certaines victimes pendant le procès de 2005, juste après le réquisitoire de l'avocat général qui préconisait donc lui 15 ans de réclusion pour Cazot. Ce qui est terrible dans le cas de ma cliente, c'est que la mort l'a frôlée, elle, mais ça, elle s'en moquait. Par Roland Cazot, c'était lui qui voulait lui donner la mort, mais ce qui était beaucoup plus important, c'est qu'il ne touche pas à son petit-fils qui était dans la pièce d'à côté. Il ne fallait pas que la mort frôle son petit-fils. Pas de circonstances aggravantes dans ce dossier, c'est ce que les victimes déplorent, parce que M. Cazot ne risque que 15 ans. 15 ans, il en a déjà fait 4. Ça veut dire que d'ici 5-6 ans, il est susceptible de sortir. Et l'inquiétude des victimes, qui est réelle et légitime, c'est de savoir quand est-ce qu'il va sortir et surtout comment va-t-il sortir, avec tous les problèmes de récidive qu'on connaît. Jean-Michel Desplot, aujourd'hui Roland Cazot est libéré donc, hein, c'est-à-dire que concrètement il est en liberté dans la nature. Est-ce que vous pouvez nous dire les mesures de suivi qui ont été mises en place ? Oui, alors je ne dirais pas Fabrice dans la nature, hein, parce que oui, c'est une façon de parler. Ouais, mais c'est une expression effectivement que l'on emploie pour fréquenter les, j'allais dire les prétoires de cour d'assises depuis de nombreuses années. Pour les victimes, c'est toujours effectivement elles font ce calcul de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, il sera dans la nature. Bon, je retire. C'est un langage assez naturel qui vient quand on fait les commentaires sur un verdict et sur le suivi en tout cas du prononcé de la peine. Là aujourd'hui, Roland Cazot, il est suivi par un juge d'application des peines, hein, car n'oublions pas que il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle, mais il a un suivi socio-judiciaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il doit se présenter auprès d'un juge d'application des peines. Il a un suivi psychiatrique et ce suivi doit lui permettre justement de ne pas récidiver. Nous sommes en 2020. Cela fait 8 ans aujourd'hui que Roland Cazot est en liberté et a priori, il n'a pas refait parler de lui. Donc on peut supposer qu'il s'est parfaitement réinséré. Quelle trace a laissé ce fait divers dans la station balnéaire d'Arcachon ? Est-ce que l'affaire hante encore les rues ? Est-ce qu'on en parle ? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous renverrait à la façon dont Arcachon a réagi en disant surtout n'en parlez pas trop, parce que pour l'image de la ville, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Oui, alors le temps a passé, le temps a fait son œuvre, hein, Fabrice. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette affaire et vous le savez, je pense aussi bien que moi, hélas, un fait divers chasse l'autre. Et aujourd'hui, plus de 15 ans après, cette affaire, on n'en parle plus, elle est vraiment oubliée. Au fait, on a évoqué la cellule viol 40 dans le récit avec 10 enquêteurs, j'y reviens parce que je voulais vous poser la question. 10 enquêteurs dédiés à la traque du chat, comment fonctionnait cette cellule viol 40 ? Alors, viol 40, la création d'une cellule d'enquête, c'est une spécialité de la gendarmerie nationale. Les gendarmes, quand il y a une affaire d'envergure, une affaire sensible, créent une cellule, ils lui donnent un nom, là en l'occurrence viol 40, et là, ils mettent à disposition là, une dizaine d'enquêteurs pour mener à bien, qui sont dédiés complètement à cette enquête et qui ne travaillent exclusivement que pour cette enquête. Et alors là, donc, effectivement, c'est du porte-à-porte, c'est l'analyse des écoutes téléphoniques, c'est le voisinage, c'est la cellule familiale. Tout est passé au peigne fin. Voilà, ils se concentrent vraiment exclusivement. Une cellule, ça sert à ça. Et est-ce que les rapports avec les journalistes de la part de la cellule étaient satisfaisants pour vous ? Ah, vous savez, j'allais dire les gendarmes comme les policiers sont peu disaires, hein, en règle générale, et encore moins aujourd'hui, j'allais dire, que par le passé, car il y a vraiment une grosse pression des autorités à la fois judiciaires et administratives sur les services enquêteurs, et en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale qui renvoie donc au procureur la communication. Donc sur des affaires extrêmement sensibles comme à l'époque, oui, on était, j'allais dire, un peu plus libre. Et donc, on arrivait à avoir quelques bribes d'infos de ci, de là qui nous permettaient, comme on dit dans le jargon, de gratter un petit peu au-delà. Alors, puisque vous êtes journaliste fait diversier, on dit d'ailleurs fait diversier. Exactement, fait diversier. Alors, c'est un territoire de l'information qui est très spécifique, hein, le fait divers. Aujourd'hui, il semble avoir repris des couleurs, si tant est qu'il en ait perdu un jour d'ailleurs. Oui. Le fait divers plaît. Comment vous analysez cela, vous ? Ouais, bah écoutez, moi, Fabrice, je suis tombé dans la marmite dès mon début de carrière, dans le Lot et Garonne, et depuis, je n'ai pas cessé de traiter des faits divers. Pourquoi le fait divers plaît ? Pourquoi ? Parce que moi, j'y vois le côté humain, voyez, Fabrice, c'est la vie des gens, la vie de tous les jours, c'est ça. Vous savez, ça peut arriver un fait divers peut nous arriver à nous, à nos proches. Nous sommes journalistes, mais nous sommes avant tout des humains, et nous analysons les situations. On n'est pas là pour faire du scoop à tout prix. Hein. On se donne le temps de la réflexion, en tout cas à Sud-Ouest. Hein. On ne publie pas, vous voyez. Et puis aujourd'hui, j'allais dire, on est extrêmement méfiant et c'est d'actualité avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ce sera le mot de la fin, Jean-Michel Desplot. Merci infiniment pour tous les éclairages et les précisions que vous nous avez donnés sur cette affaire du chat du bassin. Merci infiniment. Au revoir. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le chat violeur en série, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, franceinter.fr, pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, Florent Layani.